Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1, Valérie Levé au microphone. Et pour cette deuxième partie d'émission, on va s'intéresser à la conduite avec faculté affaiblie. Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on conduit avec un verre de trop derrière la cravate ou quand on texte au volant tout en étant en consultant notre cellulaire? C'est ce qu'on va voir avec Ariane Lapointe-Mello. Elle est collaboratrice et porte-parole du projet collectif pour une conduite responsable. Bonjour Ariane. Bonjour Valérie. Alors la conduite avec faculté affaiblie, en fait, c'est un vaste sujet. On va le voir en deux étapes. Aujourd'hui, Ariane, vous allez nous présenter donc ce projectif collectif pour une conduite responsable et nous donner les grandes lignes de la conduite avec faculté affaiblie. Et dans une deuxième entrevue, on fera la plongée dans le cerveau pour voir comment les drogues agissent sur notre cerveau. Donc, commençons par le début. Qu'est-ce que c'est le projet collectif pour une conduite responsable? Donc, le projet collectif, en fait, c'est un projet qui a démarré il y a maintenant 4 ans. Donc, on en est à notre 4e édition. Nous, ce qu'on fait, c'est vraiment de la sensibilisation. On est principalement dans les écoles secondaires et primaires. Donc, oui, le primaire, ça peut paraître jeune pour sensibiliser à une conduite responsable, mais en fait, notre but, c'est que vraiment, ça devienne un réflexe. Donc, c'est pour ça qu'on vient vraiment leur parler, là, dès qu'ils sont jeunes, pour que conduire avec un verre de trop, ce soit même pas une option. Donc, c'est vraiment ça notre but. Puis, en fait, le projet a débuté avec la maman d'un de mes amis, un ami d'enfance finalement, qui est malheureusement décédé des suites d'un accident à cause d'un conducteur avec les facultés affaiblies, donc qui lui avait pris un verre de trop. Donc c'est vraiment cette maman-là qui a démarré le projet. Puis moi en fait, ça fait moins d'un an là, que je participe avec elle, donc je me suis vraiment impliquée pour donner un coup de main puis essayer justement qu'on joigne encore plus de monde. Parce que ben, la sensibilisation, je crois qu'il y en aura malheureusement jamais assez là, sur le sujet. Ben justement, c'est ce que je me disais, parce qu'il y a déjà d'autres organismes de sensibilisation sur cette problématique de la conduite affaiblie. Donc, comment ça se greffe, comment ça s'intercale? Est-ce que c'est redondant par rapport à ces autres organismes? Oui, ben en fait, c'est ça, il en existe au niveau canadien, mais aussi au niveau québécois. Puis, en fait, on travaille un peu en collaboration avec eux, là. Donc, par exemple, MAD Canada, qui est Mothers Against Drunk Driving. Donc, eux se concentrent vraiment sur la conduite avec alcool. Donc, pour empêcher ça, ils ont des programmes de soutien pour les familles qui sont affectées par ce genre d'accident. Puis, ils ont aussi plusieurs projets de sensibilisation, comme Opération Ruban Rouge, qui il y a un peu le même principe qu'Opération Nez Rouge, sauf que c'est de novembre à janvier. Puis, il y a aussi une campagne qui permet d'éduquer la population aux différents signes d'une conduite avec les facultés affaiblies. Parce que oui, c'est important de ne pas le faire, de ne pas conduire si on a bu, mais c'est aussi important de le dénoncer si on voit un conducteur qui conduit un peu croche, qui traverse les lignes. Donc, MAD se concentre vraiment là-dessus, donc la conduite avec les facultés affaiblies. Il y a aussi d'autres organismes nationaux comme Parachute qui, eux, se concentrent. Ouais, Parachute. Donc, eux, ils se concentrent vraiment sur la réduction des blessures. Donc, oui, ils vont parler de la conduite, mais ils vont aussi parler de tout plein d'autres sujets. Ils vont même participer dans les sports là, pour réduire les blessures. Puis, Parachute, en fait, ils organisent la Semaine nationale de la sécurité des jeunes au volant, qui, cette année, va avoir lieu du 16 au 22 octobre. En fait, qui a eu lieu là, du 16 au 22 octobre. Puis le thème était conduire égale concentration 100%. Donc, eux vont faire vraiment des conversations sur les réseaux sociaux et de la sensibilisation sur ce thème-là. Puis finalement, au niveau plus québécois, parce que les deux premiers que j'ai parlé, c'est vraiment au niveau canadien, mais au niveau québécois, on a aussi Solidarité Famille et Sécurité Routière qui, eux, vont être principalement dans les zones scolaires. Donc, pas nécessairement avec les facultés affaiblies, mais on travaille aussi de pair avec eux là, pour vraiment réduire les accidents puis que les gens puissent respecter les limites de vitesse. Donc oui, il y a beaucoup d'organismes de sensibilisation, mais on a tous des sujets un peu plus pointilleux, qu'on se concentre un peu plus, donc on travaille vraiment tous en équipe là, pour faire un beau tout. Effectivement, donc c'est plusieurs organismes qui prennent le sujet sous diverses thématiques ou qui vont chercher différents publics pour finalement élargir la sensibilisation, si je comprends bien. Donc Exactement. plongeons dans le vif du sujet. En fait, qu'est-ce que ça veut dire conduite avec faculté affaiblie? On parle de quelle faculté? Est-ce qu'on parle, je sais pas, de la vision, de la décision, des réflexes? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? En fait, ce qui nous vient à l'esprit en premier quand on parle de faculté affaiblie, c'est nécessairement conduire avec un verre de trop, puisque c'est ce qu'on entend le plus parler. Mais ça regroupe en fait tellement plus que ça. Donc, conduire avec les facultés affaiblies, c'est aussitôt que quelque chose qui va venir nous déconcentrer de notre tâche, qui va réduire notre attention et augmenter notre temps de réaction, donc nos réflexes sont un peu moins bons. En fait, il existe quatre types de distractions. Donc, on a une distraction visuelle, c'est-à-dire que nos yeux vont se détourner de la route. Il y a les distractions manuelles, donc nos mains ne sont plus sur le volant. Les distractions cognitives, que là, c'est vraiment notre attention qui n'est plus sur les dangers de la route. Et finalement, les distractions auditives qui vont faire qu'on n'entendra plus, par exemple, un conducteur qui nous dépasse à pleine vitesse, quelqu'un qui nous klaxonne. Donc, c'est vraiment différentes distractions qui vont faire que nos facultés sont, oui, affaiblies de différentes façons, là. Donc, par exemple, on est surtout habitué de parler, ben, ah, notre attention n'est pas sur la route, mais ça peut être aussi grave si on n'entend plus rien autour de nous, on ne sera pas capable de se concentrer ou même d'éviter des accidents. Donc, il existe vraiment là, plusieurs types de distractions qui font que nos facultés sont affaiblies. Ah oui, donc c'est pas juste l'effet de la drogue qui va perturber peut-être le fonctionnement de notre cerveau. On peut avoir notre cerveau fonctionnel, mais si par exemple un élément distracteur, donc simplement peut-être le fait de parler avec le passager, peut-être on entretient une conversation et ça détourne notre attention de ce qui se passe sur la route. Oui, exactement. Donc même une conversation avec un passager peut venir réduire nos capacités. Bon, on s'entend qu'un passager, c'est pas la plus grosse distraction. Puisque si on vient avec les quatre types de distractions, ben, une discussion, ça va affecter notre audition. Donc, oui, ça va venir un peu occuper nos oreilles, mais le son n'est pas assez fort pour nous empêcher, par exemple, d'entendre quelqu'un qui nous klaxonne. Ouais. Donc, oui, c'est une distraction auditive, mais elle n'est pas à 100% non plus. Sinon, ça va aussi venir affecter nos facultés cognitives. Oui. Mais encore là, c'est une tâche qu'on est habitué de faire, de discuter. Puis, souvent, c'est pas la tâche qui va venir en priorité là, quand on conduit. Donc, s'il y a quelque chose qui se passe sur la route, souvent le conducteur va arrêter de parler sans même s'en rendre compte. Donc, oui, une discussion avec un passager peut être une distraction, venir réduire nos facultés, mais c'est pas le plus grand danger non plus. Il faut quand même faire attention quand on a une discussion et surtout ne pas la mettre en priorité là, quand on conduit. Et puis peut-être que notre passager, quand il parle au conducteur, il peut peut-être s'apercevoir qu'il est en train de distraire aussi le conducteur et se retenir un petit peu de poser des questions qui font trop réfléchir aussi. Oui, exactement. Donc, éviter les gros débats et les sujets qui tiennent à cœur là, quand on est passager. J'ai retenu quand même que là, vous avez parlé du niveau sonore. Donc, par exemple, si on écoute de la musique très fort dans la voiture, ça va être un élément de distraction important. Oui, exactement. Là, on commence à parler de distractions un peu plus importantes parce que ça vient vraiment occuper toute notre ouïe. Donc, on n'est pas attentif au bruit ambiant. Donc, si quelqu'un vient nous dépasser à pleine vitesse, ben, si on décide de se tasser de voix au même moment puis qu'on ne l'a pas entendu, ça peut être dangereux puis causer vraiment des gros accidents. Puis, en fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui le connaissent, mais on peut avoir une amende si la police nous entend notre musique. On peut avoir une amende jusqu'à 500 $ là, pour une musique trop forte lorsque les policiers vont juger là, que ben, nos facultés sont affaiblies, qu'on n'est plus assez concentré sur la route et qu'on a seulement la musique qu'on entend finalement. Puis j'imagine qu'une autre distraction, bah, c'est évidemment de consulter nos textos ou d'en écrire. Là, on est carrément en train de faire une autre tâche, de se concentrer sur quelque chose d'autre, bien que, même si ça se fait dans le silence. Oui, absolument. Donc, on revient un peu avec les différents types de distractions. Donc, quand on était avec la musique, on était seulement dans la distraction auditive. Puis, tu sais, un exemple que j'aime avec la musique, c'est souvent quand on arrive proche de notre destination, on va venir baisser le son de notre musique sans même s'en rendre compte, juste pour être capable de se concentrer. Donc, on voit qu'on a vraiment de la misère avec les différentes distractions. Mais quand on parle de téléphone cellulaire, c'est encore pire. Si on parle seulement d'un appel, donc par exemple connecté sur le Bluetooth, qu'on a juste à cliquer sur le petit bouton sur notre volant, qu'on est capable de répondre, c'est pas pire qu'une conversation. C'est pour ça que c'est légal. Mais quand on vient à vraiment envoyer un texto, là, on est plus loin dans les distractions. Donc, on a la distraction visuelle, puisque nos yeux vont être obligés d'être sur le cellulaire et non pas sur la route pour voir c'est quoi le message qu'on a reçu, qu'est-ce qu'il faut répondre. On a aussi manuel, nos mains ne seront plus sur le volant, mais bien sur notre cellulaire. Et finalement, c'est une forte distraction cognitive. Notre cerveau va être occupé à rédiger un message, pas à regarder les voitures devant nous, c'est ça freine. Donc, les textos, c'est vraiment, c'est pas pour rien qu'on en entend autant parler, là, c'est vraiment dangereux, ça cause vraiment beaucoup d'accidents. Mm-hmm. Parce qu'il y a plusieurs aires du cerveau là, qui vont être activées lors de l'écriture d'un texto, même si on n'y pense pas, qui vont aussi être activés lors de la conduite, donc qui ne peuvent pas faire les deux en même temps. Est-ce qu'on est conscient finalement de ces à quel point ces activités connexes à la conduite viennent affaiblir nos facultés? Souvent, on n'en est pas conscient. Donc, l'humain a vraiment la mauvaise habitude de se surestimer. Donc, surtout quand on parle de distraction. Donc, on est rarement conscient que nos facultés sont affaiblies. Par exemple, si on parle d'alcool et de cannabis, ben, on s'en rendra pas compte parce que justement, nos capacités cognitives sont réduites. Donc, tout simplement, on a l'impression d'être bien fonctionnel alors que finalement, même juste à la marche, on va marcher croche, on sera pas concentré. Donc, c'est encore pire derrière un volant. Mais si on parle, par exemple, de fatigue ou même de cellulaire, on pense toujours qu'on est meilleur que ce qu'on est réellement. Donc, ah, je peux continuer à conduire un petit 5 minutes, je m'endormirai pas, je suis correct. Mais on s'en rend pas compte. Puis souvent, on va venir cogner des clous, on va s'endormir un peu au volant. Puis avec les textos, ben, ah, je vais écrire mon message, je vais être correct. Mais si la voiture devant décide qu'elle a besoin de freiner, ben, on sera pas assez rapide pour s'en rendre compte. Donc, on a toujours l'impression que ah, je vais être capable. Mais non, la réponse est malheureusement non. Puis il faut vraiment arrêter de se surestimer puis faire attention à quand on conduit, puis être vraiment 100% sur la route. D'autant plus que des fois, quand ça va vite, ça se passe mal très vite. Et donc, faut pas perdre les petites fractions de secondes qui nous permettent de répondre adéquatement à un problème qui se passe devant nous. Et puis finalement, si on est en train de regarder nos textos, bah, on n'a pas ces secondes, on ne dispose plus de ces secondes d'attention. Là, on est ailleurs. Oui, exactement. Puis en fait, la vitesse nous donne vraiment une illusion parce que, par exemple, si on est sur l'autoroute, on est habitué d'être à 100, ben nous, on a l'impression que ça va pas si vite. C'est pour ça quand on prend une sortie puis que là, faut réduire tout de suite à 50, on a l'impression de pas avancer. Mais si on est sur l'autoroute puis que là, on regarde notre cellulaire, ben il y a beaucoup de distance qui se fait en quelques secondes puis on s'en rend pas compte. Donc c'est ça qui est vraiment dangereux en fait là. Puis la vitesse est même considérée comme une distraction là. Surtout selon, ouais. Donc, ça peut vraiment être considéré comme une distraction quand on fait de la vitesse. Par exemple, si on est à 130 sur l'autoroute, c'est vraiment trop. C'est une distraction. Faut être plus concentré que jamais. Mais souvent, les gens qui font de la vitesse, ben, sont habitués d'en faire malheureusement. Donc, encore une fois, ils vont se surestimer. Donc, la vitesse est tout aussi dangereuse, là, que tout le reste. Et comment s'intercale dans toutes donc ces sources de distraction, comment s'intercale la consommation de drogue ou d'alcool? Parce que là, on n'a pas parlé de drogue et d'alcool tellement pour ce qui est de l'audition, de la vision, d'utiliser son cellulaire. Non, en effet, en fait, les drogues et l'alcool vont surtout venir réduire nos capacités cognitives, donc vont vraiment affecter le cerveau en tant que tel. Parce que notre vision, bon, surtout avec l'alcool, peut être un peu impairée par la consommation, mais ce ne sera pas directement sur la vision que ça va venir agir, c'est plutôt cognitif si on parle, surtout en termes de distraction. Donc, c'est juste que c'est tellement intense comme distraction cognitive que c'est tout aussi grave que, par exemple, envoyer un texto qui, lui, va venir affecter plusieurs types de distractions. D'accord. Alors là, vous m'avez parlé de plusieurs tâches qu'on fait en même temps, qu'on se surestime peut-être quand on consulte un cellulaire, on se surestime peut-être à être quand même capable de maintenir une attention à notre conduite. Est-ce que ça veut dire que on n'est pas capable de faire plusieurs tâches en même temps, que le multitâche, ça n'existe pas dans ce contexte de la conduite? Exactement. En fait, le multitâche est pas juste dans le contexte de la conduite. C'est un mythe. Ça n'existe pas. Ah. Donc, notre cerveau n'est pas capable de faire deux tâches en même temps. La seule exception que je vais mentionner tout de suite, c'est quand les deux tâches, c'est des habitudes, donc vraiment des réflexes. Par exemple, si je dis marcher, puis parler en même temps. Donc, si je parle à quelqu'un à côté de moi, puis que je marche, je vais pas pour autant tomber. Donc, c'est vraiment deux choses qui sont plus un réflexe. Donc là, notre cerveau est capable de faire les deux en même temps. Puis en plus, c'est des aires vraiment différentes là, qui sont activées à ce moment-là. Donc, pour ça ne pose pas de problème au cerveau. Par contre, quand on parle de conduite, ben la conduite, ça vient affecter quand même plusieurs aires de notre cerveau qui vont aussi être utilisées avec le texto, avec la musique. Donc, il faut vraiment faire attention. Donc, quand on parle de multitâche, on ne fait pas les deux en même temps. Ce qu'on fait, c'est qu'on va faire une espèce de switch entre nos deux tâches. Donc, si on conduit, puis qu'on envoie un texto en même temps, ben, je vais avoir quelques secondes d'attention sur la route, quelques secondes d'attention sur mon cellulaire. Mais les quelques secondes que je suis sur mon cellulaire, j'ai aucune idée de ce qui se passe sur la route. Même si, puis c'est là que vient le fait qu'on se surestime, même si je crois que je sais, ah, oh, je viens de regarder, la voiture était loin. si ça l'a briqué sec en avant, on ne s'en rendra pas compte parce que notre attention est toute sur le cellulaire. Donc, il faut vraiment faire attention parce que le multitâche, ben, ça n'existe pas. C'est vraiment juste un switch entre les deux activités qui sont faites. Puis, on devient vraiment moins efficace pour ces deux activités-là. Donc, même si quand je regarde mon cellulaire, il ne se passe rien devant moi, quand je vais revenir mon attention sur la route, je vais être moins efficace. Un exemple simple avec ça, c'est si je prends les deux tâches de manger mon repas et regarder une série à la télévision. Donc, si une journée, je mange un repas à la table, pas de série, je me concentre juste là-dessus, je vais prendre un temps X, disons 20 minutes pour manger mon repas. Si le lendemain, je fais la même tâche, donc je mange le même repas, mais cette fois-ci, je me mets une série à la télévision. Ben, mon repas peut prendre la durée de l'épisode au complet et parfois même plus, donc 40, 45 minutes pour manger. Donc, on voit que ça double pratiquement le temps. Donc, on est vraiment moins efficace pour faire des tâches, même s'ils sont simples. Donc là, j'ai juste parlé de manger puis regarder la télévision. On n'a pas l'impression que ça vient utiliser les mêmes aires du cerveau. Mais pourtant, vu que notre cerveau est obligé de faire le switch entre les deux activités, ça fait qu'on est vraiment moins efficace. Ah oui. Bon, donc, si on... ce qui se passe, ce que deviennent les personnages, on oublie de prendre la prochaine fourchette. Exactement. Puis on peut faire mal notre mouvement, on va faire beaucoup plus de dégâts, on va manger moins rapidement. Ouais. Tu sais, c'est des tâches. Voilà, on ne va pas couper notre viande en même temps qu'on est attentionné à regarder ce qui se passe à l'écran, peut-être. Non, exactement. Donc, si on vient parler en plus de conduite, qui va être beaucoup plus compliqué, ben, on s'entend que la tâche va être réalisée vraiment moins bien que si je me concentre juste sur ma conduite, si j'ai un cellulaire au volant, ça va être vraiment moins efficace, là. Mais on le voit même en marchant, finalement, parce que des gens qui consultent leur texto ou leur téléphone en marchant, puis qui se prennent un lampadaire ou qui se cognent avec quelqu'un, quelque part, ils n'ont pas réussi à marcher et à utiliser leur cellulaire en même temps. Non, exactement. Donc, c'est un peu ce que j'expliquais avec l'exception du départ. Il faut que les deux tâches soient un réflexe. Donc, marcher, même si on considère ça comme une habitude, plus quelque chose comme un réflexe, bien, consulter son cellulaire, ça ne l'est pas parce qu'on ne fait pas toujours la même chose. On est concentré à quelle application j'ouvre, à qui j'écris. Donc, à ce moment-là, le multitâche, ça ne fonctionne pas. C'est vraiment juste un switch entre les deux tâches. Et c'est pour ça, justement, qu'on fonce dans un poteau, on fonce dans quelqu'un. Donc, oui, même à la marche, là, c'est trop complexe pour pouvoir faire les deux ensemble. Et vous avez parlé tout à l'heure de fatigue au volant. Donc, ça, qu'est-ce que c'est la fatigue? Est-ce que là, c'est une fatigue physique, comme quand on a marché, je sais pas, 20 km, ou est-ce que c'est une physique attentionnelle? En fait, les deux peuvent être importants. On sent une fatigue physique si on a de la misère à sentir les muscles de nos jambes parce qu'on vient d'aller faire un gros entraînement au gym. C'est pas fameux pour être capable d'utiliser nos pédales, d'accélérer, de ralentir. Donc, oui, il faut faire attention à ce type de fatigue. Mais c'est principalement la fatigue cognitive. Donc, quand on est vraiment fatigué, qu'on a juste le goût de s'endormir. En fait, au Québec, la fatigue, c'est en cause dans 23 % des accidents qui ont causé des blessures graves ou la mort. Donc, ça parle même pas des accidents là, qui ne font pas de blessures. Puis, en fait, au Québec, en 2014, il y a eu un sondage qui a démontré qu'un conducteur sur cinq admet avoir somnolé au volant dans la dernière année. Ouais. Donc, c'est énorme. Et donc, ça, c'est la fatigue cognitive. Mais justement, est-ce que c'est la même chose que de s'endormir au volant? Est-ce que quand on s'endort en volant, c'est dû à la monotonie de ce qui se passe des fois devant nous quand on conduit, je sais pas, 200 km sur l'autoroute et qu'il ne se passe rien parce qu'il n'y a pas beaucoup de circulation? Bon, ça devient monotone, les yeux clignotent un petit peu, puis on a comme envie de dormir. Mais est-ce que cette envie de dormir au volant, de s'endormir au volant, c'est la même chose que cette fatigue cognitive qui serait due à un surplus d'attention parce qu'il faut sans cesse faire attention à la circulation autour de nous? Oui, en fait, ça revient un peu au même, ça va avoir les mêmes conséquences parce que si c'est trop monotone, qu'on vient à s'endormir, au final, ça va avoir les mêmes conséquences que si on a été trop concentré puis que là, on est trop fatigué et on vient aussi à s'endormir. Donc, c'est vraiment le fait d'avoir sommeil au volant qui vient poser problème. D'accord. Donc là, on a mis la table aujourd'hui, Ariane, on a mis la table avec, qu'est-ce que c'est que conduite avec les facultés affaiblies, les différentes sources de distraction. Maintenant, il va falloir plonger dans le cerveau pour savoir comment ça nous affecte dans notre cerveau, comment les neurones travaillent ou comment ils sont incommodés par toutes ces distractions. Pour ça, on va se revoir dans une prochaine chronique, probablement la semaine prochaine. Oui, absolument. Très bien. Alors, je vous remercie beaucoup, Ariane. Et donc, je rappelle que Ariane Lapointe-Bello est collaboratrice et porte-parole du projet collectif pour une conduite responsable. Merci, Ariane. Ça fait plaisir, à la prochaine. Ainsi se termine Futur Simple et pour le moment, c'est l'heure de retrouver Calypso le Moine avec En Aparté et toujours sur CKRL 89.1. Un bois dans les fleurs, une cruche de Balthazar comme consoeur. Je me lève et lève mon verre à la lune. Sa silhouette me suit, nous sommes trois. La lune ne sait même pas boire qu'elle n'est ni. C'est en vain et sans histoire qu'elle me suit. Il faut vivre avec plaisance au printemps. Quand la lune et la nuit dansent pour un temps. Camarades, nous sommes ivres et nos chimères nous baladent. La bonne nuit nous envahit bien trop tôt. Nous vivrons dans d'autres villes, d'autres eaux. J'ai le démon qui m'appelle, j'ai le maintenant qui chancelle. Même si je me sens le sang qui file, ben c'est aidé dedans les veines. Je me vends le banc de ville et m'achète une quarantaine. Senteur de fleurs sous l'aile, je me demande si ces portes s'ouvrent, si oui, à qui, et puis lesquelles. Je me sens le vent qui vibre et qu'ine toute la semaine. Je me baragouine mon île et m'agresse la mitaine. Peux-tu m'aider? Peux-tu m'emmener plus loin que ça? Peux-tu me montrer la beauté du mât, du port vernis, du port lustré? J'ai le droit d'oubli d'aller de manucurer. Gentil, mais jamais je ne te mononclerai.